La mamá. Bon allez, moi je lance quelque chose. Je lance quelque chose de synchronisé. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je lance ? Thank you.